Salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille édition du dimanche 19 mars 2017 sur les rythmes endiablés, je veux dire ça comme ça, de Martin Bélanger, Martien Bélanger, connu dans la région de Québec, un titre qui s'intitule Bordeaux, qu'on retrouve sur un album qui s'appelle Cover, les covers d'Avatar. Alors bienvenue, j'accueille ce soir la vidéaste, bricoleuse sonore, artiste visuelle Nathalie Bugeaud. Mais d'entrée de jeu, je vous propose qu'on écoute la trame sonore numéro 1 d'une série intitulée Five Weather Reports du compositeur canadien Taylor Brook. Alors la pièce fait partie d'un album réalisé en 2016 par l'ensemble new-yorkais TAK, T-A-K. Taylor Brook, c'est un jeune compositeur de musique et d'environnement sonore qui a collaboré aux derniers travaux. Vidéo de Nathalie Bugeaud. Il s'est fait particulièrement remarquer dans l'univers de la musique classique par l'exploitation de ce qu'on appelle les sonorités micro-tonales, je mets ça entre guillemets, et l'utilisation des nouvelles technologies. Alors, Brook est originaire d'Edmonton, mais c'est un familier de la communauté musicale montréalaise. Il a créé des environnements sonores pour le théâtre, la danse contemporaine. Il a notamment collaboré avec le Nouvel Ensemble Moderne et le Quatuor Bosini. Alors, on écoute Five Weather Reports, c'est le numéro 1 de Taylor Brook. Thank you. waiting in the outskirts. Cold tonight, colder tomorrow, warming Thursday and Friday. Cooling off by Saturday, sleet by Sunday. Double scent on Monday, and so on, according to the everyday charts. Quelle belle façon de chanter le temps qu'il fait avec Taylor Brooke, avec l'ensemble TAK, T-A-K, c'est comme ça que ça s'écrit. Alors voilà, sur un autre registre, parlons maintenant de Nathalie Bugeaud. Et je dirais ceci, que si on avait identifié un des principaux canal de diffusion des arts sonores auprès du grand public, il faudrait sûrement pointer du doigt le monde du cinéma, qui va s'avérer un tremplin extraordinaire pour les nouvelles sonorités, l'importance du son comme personnage central de certains films même. Alors, les exemples, pour pas dire les clichés, sont assez nombreux à cet égard-là. Si on pense au film La planète interdite, un des premiers films qui va utiliser des sonorités électroniques, jusqu'à Conversation secrète de Ford Coppola, qui est en quelque sorte la contrepartie sonore du film Blow Up d'Antonioni. Alors, ce mariage-là de sonorité expérimentale et de l'image constitue la toile de fond de cette rencontre que je vous propose ce soir avec l'artiste visuelle Nathalie Bugeaud. Nathalie qui expérimente sur le plan sonore depuis plusieurs années par le biais de sa production vidéographique. Alors, elle nous raconte sa trajectoire artistique ce soir et l'histoire d'une installation intitulée « Études vidéographiques pour instruments à cordes » qu'elle présentait à la Galerie de l'Œil de Poisson en janvier dernier. Alors, ça a été l'occasion pour elle de me permettre cette intrusion dans son intimité artistique, je vais dire ça de cette manière-là. Alors, ça a été réalisé en collaboration avec le quatuor Bosini et le compositeur Taylor Brooke, une installation qui propose un ludique mélange de textures qui sont à la fois musicales, textiles et vidéographiques. Nathalie Bugeaud, c'est une artiste associée à l'éclosion de l'œil de poisson au début des années 80. Elle mène un projet artistique qui puise ses idées, ses matériaux, tout autant dans la culture populaire que dans la culture savante, mais selon une philosophie qu'elle dit très pratico-pratique. Elle part de l'esprit pratique. C'est ce qui l'anime sur le plan de la conception de son travail. Elle a remporté le prix de la création artistique du Conseil des arts et des lettres du Québec en 2008 et diffusé son travail au Québec et puis à l'étranger. Alors, en guise d'intro à ses confidences artistiques, on écoute une trame sonore tirée d'une vidéo récente de Nathalie Bugeaud qui s'intitule « Pixels et petits points ». Nathalie Bugeaud, bienvenue à l'accroche-oreille. Merci, quelle belle invitation. Nathalie, l'aventure sonore dans ton travail artistique, ça se passe comment? Ça arrive comment? C'est le fruit d'un hasard ou quelque chose de plus profond? Ça vient de la musique, parce que je suis d'abord formée par la musique. J'ai fait du piano pendant 9 ans, jeune, donc la construction d'une œuvre dans la durée, c'est ce qu'on travaille en vidéo. Donc, je me suis en fait faite ma propre théorie vidéographique à partir de ce que j'avais comme connaissance de la musique. Donc, je pense que ça va toujours être en toile de fond, nécessairement. Depuis plusieurs années, tu travailles dans le champ des arts visuels, ensuite plus spécifiquement dans le domaine de la vidéo. Et dans ces vidéos, il y a une présence de l'art sonore qui est assez important. J'aimerais ça que tu me parles du comment et du pourquoi l'art sonore est apparu dans ta pratique artistique? Bien, dans ta question, il y a une réponse, c'est-à-dire la vidéo. La vidéo contient le son, c'est la moitié du contenu. Donc, il faut toujours se poser cette grande question, qu'est-ce que je fais avec le son? Donc, c'est apparu, cette démarche avec le son, inéluctablement, avec la vidéo. Donc, le son, il peut appartenir à l'image, à la captation, comme par exemple avec l'installation qu'on voit avec les musiciens, donc pour devenir échantillonnage ou atmosphère. Ça peut être traité hors champ, ça peut être... Il y a tellement de façons de traiter le son avec l'image. Ça peut être contredit aussi en post-production. On peut rajouter des notes ou qui n'appartiennent pas nécessairement au même instrument. On peut contredire, aller dans le sens de l'image. Il y a tellement de possibilités avec le son et l'image. C'est assez complexe même quand on rentre dans ces questions. Tu viens de présenter une exposition à l'œil de poisson qui s'appelle « Études vidéographiques pour instruments à cordes », études au pluriel. Évidemment, j'aimerais t'entendre parler de ce projet qui combine un travail de création avec l'ensemble, le Quatuor Bosini. C'est, moi, dans ma vie pour gagner ma vie comme artiste, je travaille comme vidéaste, comme monteuse. J'ai mes propres projets aussi. De temps en temps, j'ai des bourses. J'ai la chance d'avoir ça. Ou, bon, il y a aussi des occasions où je travaille en collaboration, comme avec ce projet avec le Quatuor Bozzini. En fait, plutôt comme des projets antérieurs que j'ai fait avec eux, avec des commandes, avec un compositeur, avec Bernard Falaise. Précisément, c'est Bernard qui m'a introduit au Quatuor. J'ai rencontré le compositeur qui a participé aussi au projet que vous voyez à l'œil de poisson, qui s'appelle Taylor Brook. Il vit à New York, c'est un Canadien, et qui avait aussi déjà collaboré avec le Quatuor Bozzini. Donc, le NEM a eu ce projet, je pense, en 2010 ou 11, faudrait que je vérifie, hein, c'est ça? 2010. Merci, Gaëtan. Alors, cette année-là, Taylor a fait une composition pour « Les trains où vont les choses », qui est une pièce extrêmement travaillée avec l'image. J'ai beaucoup aimé sa démarche. Il y avait aussi d'autres compositeurs qui avaient sélectionné ma monobande, mais je leur ai tous offert de refaire une collaboration. Puisque eux, ils avaient travaillé le son sur mes images, je leur proposais de travailler des images sur leur musique. Et Taylor a accepté. Et on a commencé un projet ensemble en se demandant comment le résultat final serait exécuté musicalement. Je travaillais à ce moment-là avec le quatuor à cordes de musique contemporaine qui s'appelle le Quatuor Bozzini. Et je leur dis, je travaille avec Taylor. Et nous aimerions éventuellement vous proposer de travailler avec nous. Ils ont dit, justement, Taylor, on allait lui demander une commande d'œuvre. Alors, pourquoi ne ferions-nous pas ce projet ensemble? Et ensuite, on a eu un épisode à South Spring, où il y a un théâtre qui s'appelle Art Spring, qui ont invité le Quatuor et Taylor, dont le père habite Lille. Donc là, beaucoup de choses se sont élaborées. Par exemple, Taylor me proposait des musiques sur lesquelles moi, j'ajoutais des images, lui amenais des images sur lesquelles il faisait des compositions. Ensuite, il y a aussi, on a capté, on a enregistré des improvisations du Quatuor. Donc, ça a été cette espèce de trialogue disciplinaire qui a commencé l'aventure. Là où moi, j'arrive avec le projet qui présentait l'œil de poisson, j'ai un peu récupéré le matériel qui était extrêmement abondant parce qu'on a tourné pendant 5 jours à Oboro. Ça fait beaucoup de matériel et moi, en fait, cette participation-là était destinée au concert, mais on a fait énormément plus. Donc, j'ai poursuivi ensuite avec ma maîtrise pour conclure. Nathalie, il y a un projet qui est un peu en amont du projet des études vidéographiques, c'est Textile de corde, et j'aimerais t'entendre sur ce projet. Textile de corde, c'est ma première expérience, justement, concluante avec les échantillonnages avec le Quatuor Bosigny. Et comme je voulais tester ma méthode puis voir les limites, je me suis dit, je dois me rendre jusqu'au bout, c'est-à-dire trop loin, jusqu'à ce que l'image soit complètement détériorée, le son détérioré. Donc, ma méthode de travail, ça a été de, comme on le voit avec les études vidéographiques pour instruments à cordes, c'est de superposer, d'additionner les images. Et j'ai travaillé comme un peu les banquets avec l'intérêt composé, c'est-à-dire que des multiples, comment on dit, au carré, là, 2 devient 4, 4 devient 16, ça devient très exponentiel, ça devient vite 1000 images, ça devient assez vite à partir de 1000, 10 000 images. Donc, je me suis rendue à des dizaines de milliers d'images superposées, donc jusqu'à ce que le canevas, jusqu'à ce que l'image vidéo entière devienne brune. Donc, ce qu'on entend et ce qu'on voit sont reliés. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on entend ce qui est du brun. Le brun fait ce son dans l'image, mais en fait, ce brun-là, c'est l'accumulation de dizaines de milliers de violoncellistes qui, à la fin, donc, ce qu'on voit à la vidéo, c'est à rebours. On voit d'abord le brun, l'espèce de textile de construction de toutes ces images, jusqu'à ce qu'on dévoile la violoncelliste seule. Nathalie, le projet des études vidéographiques, c'est tout de même la combinaison d'une réflexion sur la musique, la vidéo et le textile. Et ça, c'est tout de même mystérieux et j'aimerais vraiment t'entendre parler du projet, là, de cet amalgame. J'ai une démarche hybride. J'aime beaucoup l'écran, mais je le déteste aussi. Donc, j'ai besoin de taponouille, de gossouille. J'ai besoin de matière. Donc, ça dérive toujours dans des objets, mais qui ne doivent pas non plus prendre trop de place parce que je suis une artiste sans atelier. Donc, le textile est arrivé dans ma vie parce que ça produit aucune poussière, ça fait pas de bruit. Donc, puis ça se range extrêmement bien, ça prend pas trop de place. Donc, le textile, les impressions, la vidéo sont des solutions à ma pratique. Parce que c'est celle que j'ai choisie, c'est un choix délibéré. Le textile, c'est une inspiration. Dans ce projet-là, j'ai pigrassé des images dans l'Encyclopédie des ouvrages de dames, où il y a des entrelacements assez complexes, soit de dentelle, de tricot, de broderie, donc qui ont influencé les constructions visuelles. Et par ces constructions visuelles-là, parfois résultaient des constructions sonores, que je poussais plus loin. Donc, c'est vraiment un travail avec les constructions sonores, constructions visuelles qui ont donné ce résultat. Je vais te poser ma question piège que je pose à tous mes invités. Tes influences ou tes influences musicales, sonores, tu saurais les nommer? Est-ce qu'il y a des artistes qui sont dans l'expérimentation, la nouvelle musique, qui sont pour toi à la fois des références ou des... En faisant mon mémoire avec Jean Dubois, mon directeur, il fallait trouver des correspondances parce que moi, je ne suis pas partie de théorie pour produire une œuvre. Je suis partie de l'œuvre que j'ai ensuite auquel j'ai associé des artistes. Et dans mes recherches, j'ai découvert Ligeti. Ligeti, qui... Donc, je me suis passionnée de Ligeti. Je dirais que Ligeti, avec les études vidéographiques, a été très important. On va entendre un bout de Ligeti. Il y a ce projet qui s'intitule Les vidéoclips anti-MTV que tu as réalisé il y a déjà un petit moment et j'aimerais t'entendre parce qu'il y a tout de même un travail sonore extrêmement intéressant sur ces projets. Rappelle-nous le contenu de ce projet. Je vais tenter la version courte. mon ami Gérard, avec qui nous avions un duo de basse. Donc, on se réunissait dans la cuisine à tous les lundis. La contrainte, c'était d'avoir une pièce qu'on désirait transposer à deux basses et de pouvoir aussi les chanter, les harmoniser ou d'avoir du plaisir à les arranger, je dirais. Et c'est parti d'un enregistrement qui était à peine un démo, qui est le seul souvenir qui est resté de ce projet-là, des enregistrements sur lesquels j'ai placé des vidéos que j'avais fait, disons, avec des chutes de tournage. Donc, c'est de la récupération. J'ai une tendance à récupérer et à auto-récupérer mes propres petites choses parce que je suis souvent dans ce mode de travail. C'est le travail qui me donne les idées. I feel like walking. I don't do too much talking these days. These days I seem to think a lot about the things that I forgot to do. In other times I had the chance to. I stop my rambling. Parmi les monobandes, il y a une monobande qui s'intitule 6 km. C'est une monobande magnifique sur le plan sonore. Tu te souviens de ce projet et tu peux m'en parler un peu? Bon, toute cette série, j'ai fait une série qui s'adressait au paysage, la carte postale. Puis à ce moment-là, j'avais pas développé tout à fait encore. En fait, beaucoup de mes vidéos sont des apprentissages. J'avais pas encore développer beaucoup l'aspect musical comme aujourd'hui, mais l'aspect échantillonnage est déjà un peu présent à quelques reprises dans ce projet-là. C'est que c'est plusieurs cartes postales, il y a toujours le lieu, la date, l'année. C'est que j'ai décidé aussi d'intégrer l'art et la vie. Mon travail se passe souvent dans un contexte de résidence ou de travail. La carte postale convenait extrêmement bien. Puis le paysage, c'était un sujet qui m'intéressait parce que comment faire bouger une montagne en vidéo, c'est une question assez intéressante. C'est pour ça aussi que j'avais fait la montagne de Sainte-Victoire, les sentiers de Cézanne. Mais dans le son pour cette série-là de cartes postales se développe. On est entre l'échantillonnage et c'est pas encore assez élaboré parce que en fait je vole des échantillons, mais encore une fois de musique que je récupère chez mes amis ou j'aime bien être ouverte à ce qui arrive. Thank you. Alors voilà, pour une première partie de cette rencontre avec Nathalie Bugeaud, on prend une petite pause et on vous revient dans à peu près une minute. À quoi tu penses? Les 31 mars, 1er et 2 avril, c'est le Radioton à CKRL. Donc il y a une quantité d'ordre qui est parfaitement déterminée. Des invités de marque, des prestations et des émissions spéciales en direct de nos studios vous seront proposées tout au long de cette fin de semaine festive. J'insiste sur le mot. C'est le temps de venir voir et entendre vos animateurs et animatrices préférés. J'en ai repéré certains. Et c'est aussi le bon moment pour renouveler votre carte de membre. Tiens, pourquoi pas? De miser sur nos nombreux lots ou bien de faire un don. La télé, c'est pour tout le monde. Ce Radioton vous sera présenté grâce à nos partenaires majeurs. La radio, c'est pour moi. La Barberie, le Bal du Lézard, Audiolite et l'Hôtel Château-Laurier. Est-ce que vous avez autre chose à me dire? Votre soutien demeure essentiel. Dans la radio. Merci d'écouter CKRL. Je me sens beaucoup moins seule. La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Sono le 22:30. Alors, nous voilà de retour pour cette seconde partie de l'entretien avec Nathalie Bugeaud. Et avant de lui redonner la parole, je vous rappelle, vous l'avez entendu, le Radio Coup de Ton de CKRL qui est pour bientôt. Alors, c'est le bon temps de mettre la main sur vos économies, toutes celles qui sont dédiées au soutien de la radio, le 89,1 CKRL. Alors, on poursuit avec Nathalie Bugeaud. I'm gonna open up your gate and maybe tell you about Phaedra and how she gave me life and how she made it end. One velvet morning when I'm straight. Flowers are the things we know. Secrets are the things we know. Learn from us very much. Look at us but do not touch. Phaedra is fine. Flowers growing on a hill. I'm gonna open up your gate. Dragonflies and daffodils. And maybe tell you about Phaedra. Learn from us very much. And how she made me life. Nathalie, je reviens sur le mode antérieur, un projet qui te tient à cœur, qui s'intitule OK Gérard. Il est fort significatif dans ta production. J'aimerais que tu nous rappelles ce projet. OK Gérard, c'est le départ de toute cette méthode d'échantillonnage avec des sons produits par des musiciens. Donc, quand on est vidéaste, on se pose la question, quoi faire avec le son pour accompagner l'image, parce que souvent, c'est l'image qui va prédominer. On est d'abord là comme artiste visuel. C'est, il y a des gens qui viennent du son, mais pour ma part, c'est l'image. Alors, puisque l'image suit le son avec un musicien de façon extrêmement cohérente, pourquoi ne pas s'en servir comme échantillonnage? Donc, ça a été la première fois avec OK Gérard que j'ai produit un instrument de musique à partir d'un musicien. On va en écouter un extrait. Nathalie, il y a tout de même une œuvre importante qui va être charnière dans ta production. Ça s'intitule « Les trains où vont les choses ». Tu vas travailler à ce moment-là dans un contexte particulier, je pense, qui est le forum pour les jeunes créateurs, jeunes compositeurs du nouvel ensemble musical. Alors, j'aimerais t'entendre sur ce projet-là. Ça, c'est la deuxième vie. En fait, je devrais dire la troisième fille de Les trains où vont les choses, parce que Les trains où vont les choses, c'est d'abord le train où vont les choses. Le train où vont les choses, ça se trouve être une vidéo à un canal. Les trains où vont les choses, c'est le train où vont les choses 35 fois. Donc, c'est là que je commence, donc c'est fondamental, à démultiplier les images. Et ce que j'ai fait avec Gérard Lesquet, j'arrivais pas. La vidéo a été très longue à sortir parce que j'arrivais pas à trouver l'idée pour la bande sonore. Donc, Gérard sort de ses tiroirs un enregistrement qu'il avait fait à New York avec Larry Seven d'un concert où il triture. En fait, c'est de la programmation de batterie. Eux, ils avaient pousser les paramètres au maximum. Ce qui produit, on oublie que c'est de la percussion rendue là, puis l'organisation, des fois, n'est pas la même qu'avec un rythme continu. Donc, on essaie la bande-son avec les images, et ça correspondait parfaitement. Étrangement, des fois, il y a des hasards comme ça. Donc, cette bande-son a été conservée avec l'image 35 fois pour donner une nouvelle bande-son avec des nouvelles images, et ça a fait une boucle avec les broderies que je faisais à l'époque, qui étaient des pixels de couleur. Donc, des fois, il y a des liens comme ça aussi entre ma pratique d'artiste visuel aussi, matériel, la vidéo et la musique. Donc, textile aussi. On se trouve à comme fermer la boucle d'un travail qui est tout en cohérence depuis plusieurs années. Nathalie, les projets qui s'en viennent pour toi dans les prochaines semaines, les prochains mois? Textile, son, vidéo. Donc, j'ai un projet en cours qui est à l'étape de conceptualisation. Je vais faire des courtes pointes vidéographiques. Donc, il y a l'idée de récupération, l'idée de construction d'images complexes, d'assemblage complexe et de son dissocié cette fois. Nathalie, merci beaucoup de m'avoir accordé cet entretien fort sympathique. Merci à toi, Gaëtan, pour ton intérêt. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir. Vous allez trouver le titre des pièces sonores entendues ce soir sur notre site, lacrocheoreille.wordpress.com. ainsi que les détails des émissions antérieures. Par ailleurs, je vous invite à suivre attentivement le Radioton de CKRL qui sera dans 2 semaines. Et puis, d'ici là, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine et soyez attentifs au son autour de vous. L'accroche-oreille vous a été présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique.